بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence, aux tolérances avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullahu ta'ala. 11e leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ahlihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. في الدرس الماضي ماذا أخذنا؟ سهم هؤلاء يستعملون الآيات لا إكراه في الدين. نعم، لا إكراه في الدين. أولا نول كونتراف ريليجيون. C'était quoi la réponse ? Mansoukha bi ayat al-qital, qui est abrogé par les versets du combat. Thani, khas bi al-kitab, jizya. On a pris également une faïda par rapport à la jizya. Et à la fin, le Qur'an a dit qu'on a trouvé, c'était quoi? La jizya, c'est pour qui? Dans le hadith de Bouraïda, hein, sallallahu alayhi wa sallam a dit de combattre ceux qui mécroient Allah, les mouchriquines. Il n'a pas détaillé qui sont-ils. Et il a dit à la fin, khouz minhum il jizya. Et également, ils ont fait un qiyas, comme l'a dit Ibn Qayyim, par rapport au Majus. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté les majus, leur hel, il est pire que les mouchriquines de Quraysh. Donc il a dit, s'il a pris deux, Mbab et Aoula, c'est Yahouz bin Haoula. A plus forte raison, il prendra de cela. Ou à le deuxième point, c'était quoi? وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Dites la vérité ou dis la vérité de votre Seigneur, celui qui veut qui croit, celui qui veut qui mécroit. C'était quoi la réponse à ce verset? Ils sont arrêtés à celui qui veut. Ils n'ont pas dit la suite du verset. Inna a'tana les zalimin naran, que nous avons certes préparé pour les injustes un feu qui les entourera de toutes parts. Donc la suite du verset vient expliquer le début du verset. Tu ne veux pas croire, mais qu'après, un feu a été préparé pour des gens comme toi. Non. Et également, Yannis, ce verset est venu, non pas pour te laisser le choix que cela est licite, mais c'est une menace. Il te met au défi. C'est-à-dire que toi, tu as le libre choix de choisir, non. Mais ton choix, d'accord, sera compté. C'est pas genre je choisis et après il n'y a rien, comme on avait dit, comme ces gens-là veulent faire croire. Que tu as licite de choisir. On a dit non, ce n'est pas licite. Tu as, toi, le potentiel de choisir, na'am, le libre arbitre, comme on dit, mais ton choix, soit il sera compté comme bon pour toi, comme mauvais, à la suite. Tu hasab alayhi. Tayyib. Donc maintenant, nouvelle shubuhat, qu'il voit, yastadilluna bi qawlihi ta'ala, wa law sha'a rabbuka, la ja'ala an-nasa ummatan wahida. Que si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, seulement ne cesse d'être en divergence, en désaccord. Donc eux, ils voient que le fait qu'on soit divisé, c'est une chose qu'Allah il a voulu. Donc on ne peut blâmer celui qui n'est pas en accord avec nous. Que pour la divergence, en fait, elle est acceptée. C'est comme ça qu'Allah il a voulu. Qu'on ne soit pas tous sur l'islam. Quand même. Donc eux, une fois de plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le verset sans citer la suite. Donc, Allah Ta'ala, إلا من رحم ربك. Hormis ceux à qui Allah fait miséricorde. C'est-à-dire, ils ne cessent d'être en désaccord, entre divergence, hormis ceux à qui Allah fait miséricorde. Naam. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أي لا يزال الخروف بين الناس في اعتقادة مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم que les gens ne cessent d'être en divergence hormis ceux à qui Allah fait miséricorde c'est-à-dire entre les gens dans leur religion dans leur croyance, dans leur communauté et dans leur voie. Madhab, yani, la voie qui suivent et de leurs avis. Wa qala Ikrima, rahimahullah ta'ala, mukhtalifin, ay fil huda. Wa qala al-Hasan al-Basri, mukhtalifin fil rizq. Wa yusakhar ba'duhum ba'da. Wa yusakhiru ba'duhum ba'da. Wa al-mashhur, al-sahih al-awwal. Donc Ikrima, il dit quoi? Mukhtalifin, c'est-à-dire, dans la guidée. On a guidé, divers dans la guidée. Wa qala al-Hasan al-Basri dans le risque que certains sont privilégiés sur d'autres. Mais la parole authentique, c'est la première dans la guidée. Wa qawluhu illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur fait miséricorde, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la miséricorde parmi les suiveurs des messagers. Ceux qui se sont accrochés à son ordre en religion, qui se sont accrochés à ce que les messagers leur ont informé, hein, et qui sont restés là-dessus jusqu'à la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui fut le sceau des prophètes. Donc ils l'ont suivi, ils l'ont cru, ils l'ont secouru, hein, ils l'ont soutenu. Donc pour cela, ils ont obtenu la victoire du bien-être dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et eux, ils sont le groupe sauvé. Comme cela est venu dans le hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى فرقة واحدة قالوا ومن هم يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي رواه الحاكم donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a bien dit que certes les juifs sont divisés en 71 sectes les juifs Non, les chrétiens, Fouen, 72. Et que ma communauté se divisera en 73 sectes. Tous seront au feu, à part une. Un groupe. Et lui dire, qui donc est ce groupe ? Il dit, ce sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Al-Firqa al-Najia. Donc ceux-là, qui sont-ils ? Ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont secouru, qui l'ont soutenu. Et qui ont suivi sa voie. نعم إن بارتي وقال عطاء رحمه الله تعالى ولا يزالون مختلفين يعني اليهود والنصارى والماجوس إلا ما رحم ربك يعني الحنيفية donc lui وقال عطاء ceux qui ne cessent d'être en désaccord il dit que ce sont les juifs les chrétiens et les majus après le verset hormis ceux à qui ton Seigneur fait miséricorde c'est-à-dire les حنيفية ceux qui sont sur la religion pure قطادة قال أهل رحمة الله أهل الجماعة ونفترقت ديارهم وأبدانهم وأهل المعصية أهل الفرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم قطادة il a dit quoi que les gens de la miséricorde qui sont-ils c'est les gens du groupe même si leurs lieux sont éloignés ainsi que leur corps c'est-à-dire ils sont en différents endroits et que les gens de la désobéissance sont eux les gens de la division même s'ils sont regroupés hein, en lieu et en présence et encore donc être réunis n'inclut pas forcément au même lieu on est réunis c'est pas forcément comme on a pris il y a quelques jours on est réunis sur un madhhab sur une croyance sur une compréhension c'est ça qui nous unit que un soit en Thaïlande ou que l'autre soit hein, à New York en des extrêmes vous avez même un peu de couf tu peux faire un madhhab sahih Tout comme tu peux tomber d'islam, et faire un mazhab batil. Mais bon, ne pas prendre cela comme excuse, ouais, lui, moi je suis à New York, je suis ma religion. Non, même si t'es sur le haq, ton haq sauve-le, garde-le pour préserver, fais les causes, part. Bien entendu. Donc cela n'est pas lié au lieu. D'accord ? Cette union n'est pas liée au lieu. وقوله ولذلك خلقهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خلقهم فريقين كقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. علي بن أبي طلحة rapporte ابن عباس qu'il a dit qu'ils ont créé sur deux groupes comme dans sa parole dans le sens où il dit et parmi eux des heureux et parmi eux des malheureux. Et Shaqiyoun, c'est des gens du feu. Wa Sa'idoun, c'est des gens du Jannah. Wa qila li rahmatin khalaqahum. Qala ibn Wahbin, akhbarani Muslim ibn Khalid, an ibn Abi Jayh, an Tawus, anna rajulayn ikhtasama ilayhi. Fa'akthara, faqala Tawus, ikhtalaftuma, fa'akthartuma. فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا. فقال طاووس كذبت. فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. Donc il était rapporté selon Taous que deux hommes vinrent auprès de lui et étaient en litige, en désaccord. Donc il leur a dit vous avez divergé. Vous avez divergé avec excès, on va dire. Vous en avez fait trop. Donc l'un des deux hommes, il a dit quoi ? Mais c'est pour cela que nous avons été créés. Pour diverger. D'accord ? Donc Kaous, il a dit, tu as menti. Alors n'a-t-il pas dit, dans le sens, il ne cesse d'être en désaccord, hormis ceux à qui elle a fait mes écordes. Donc il dit, il ne nous a pas créés pour qu'ils divergent, mais pour être unis. D'accord ? Pour être unis. Et c'est ça dans l'Arma. Il est Rahman Rabbouk, c'est la Jama'a, d'être unis. Amma, comme a dit Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Al-Khilaf, Char. La divergence, c'est un mal. La divergence, c'est un mal. Et la cause de tous les maux qu'on a aujourd'hui en ce monde est cette divergence, que les gens ont laissé le Tawhid. Combien de gens l'entendent dire, ouais, pourquoi, s'il y avait, comme les gens qui sont perdus, ils disent, hein, on a le même Seigneur, pourquoi on fait la guerre, pourquoi ceci, pourquoi cela. On dit, bah. Si on était tous d'accord sur un point, il n'y aurait pas de guerre. Mais comme on n'est pas d'accord, tout le monde va avoir le dessus, donc il y a la guerre. Mais parmi tous ces gens-là, qui c'est qui a raison ? Il y a quelqu'un qui a raison. Et le fait de s'opposer à cette raison, à cette vérité, ça va mener à une guerre. C'est ça. Les gens disent, on veut la paix. Ben, tu veux la paix ? Accepte la vérité, tu auras la paix. Mais tu ne veux pas la vérité. Donc forcément, tu es en désaccord avec des gens. Donc avec ces gens-là, il y aura affrontement. C'est inévitable. Il y a des guerres dues à quoi ? À des religions. Il y a des guerres qui sont dues à quoi ? À des classes sociales. Le pauvre se plaint du riche. Le riche se plaint du pauvre. Des guerres sont dues à quoi ? À des classes raciales. Le blanc n'aime pas le noir. Le noir n'aime pas l'arabe. L'arabe n'aime pas le jaune. Le jaune n'aime pas le rouge. Ainsi de suite. Ça fait des guerres. On a également par des partis politiques. Celui-là, il pense tel avis. C'est un socialiste. Celui-là, c'est un quoi ? C'est un nationaliste. Celui-là, c'est un quoi ? C'est un communiste. Celui-là, c'est un quoi ? Un démocrate. Celui-là, c'est un ainsi de suite. Ce sont des accords. Ça fait des guerres ou c'est pas des guerres ? Il y en a même pour du football, ils sont en guerre. Hein ? T'en as, c'est PSG, t'en as, c'est l'OM. Allez, c'est la guerre. T'en as, c'est Liverpool, t'en as, c'est Manchester. Allez, c'est la guerre. Donc tout ça, ça amène justement à des divergences. Mais on leur dit, quelle solution avez-vous pour régler ce problème-là ? Vous n'en avez aucune. Plutôt, c'est vous qui encouragez à cela. C'est vous qui causez cela. Hein ? Ces partis politiques, c'est vous qui les avez acceptés. Avec votre démocratie, que tout le monde puisse dire son mot pour choisir enfin le mot le. Hein ? C'est vous qui avez laissé ces gens, Massalène, ce racisme, vous avez coupé les gens comme ça. En quartier, en lieu et tout. Et certains rabaissent d'autres. Donc c'est vous qui avez mis ça en place. Votre esprit sportif, là, de Ta'assoub, là. C'est vous qui avez mis ça en place. L'autre, il a un maillot bleu, l'autre, il a un maillot noir. L'autre il vient de telle ville, l'autre telle ville. Et après ils s'affrontent avec des règles. Celui qui gagne, il a ça, celui et le supporter, il s'insulte. C'est vous qui avez laissé ça. Donc c'est vous qui avez mis ça. C'est quoi votre solution pour quel problème ? Vous avez mis différents pays, d'accord, avec différents régimes politiques, d'accord, avec différents avis. Comment vous allez régler le problème maintenant ? Quelle solution vous avez apportée au monde ? Aucune. Nous on a une pour vous, c'est l'islam Tawhid. Dans l'islam, on a un seul chef, gouverneur. Tous. On est un seul pays, des frontières avec des sous-gouverneurs, mais tous obéissent au même gouverneur. Ce qui nous différencie, c'est quoi ? Notre taqwa. C'est pas notre couleur. Nous, vos football, votre football là en islam, on n'a pas ça. Comme vous le faites. Vos partis politiques, on n'a pas ça. C'est interdit. D'accord ? Et nous, les différences religieuses, il n'y a pas. C'est la jizya ou c'est le jihad. Donc on arrête le conflit. C'est ou tu vas payer la jizya, tu te tiens ce qu'on va te dire, ou c'est le combat et tu vas mourir. Bien sûr, c'est ça, mais l'enforce, je parle. Donc on a une solution pour vous. Vous la voulez ou vous ne la voulez pas ? Vous ne la voulez pas ? Assumez. Aman shaf yu'min, aman shaf yakfur. Voilà ce qui se passe. La solution là pour vous, c'est l'islam. Non, on ne la veut pas. Pourquoi vous ne la voulez pas ? Parce qu'on veut si, on veut être libre, on veut faire zina, on boit de l'alcool, on ne veut pas faire 5 salades par jour, on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas dire Allah, on veut que Jésus soit le fils de Dieu, nous on veut adorer Bouddha, donc vous voulez le khilaf. C'est vous qui avez choisi cela. Nous en islam, on ne veut pas ça. Les chrétiens disent quoi ? Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Quand ils disent quoi par prochain ? C'est pas le chrétien. Ton prochain, c'est l'être humain. Nous on dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On dit que nous en islam, tu n'aimeras pas, hein, tu ne seras pas vraiment croyant tant que tu n'aimeras pas ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ton frère, c'est le musulman, pas l'autre. Bien que j'aimerais pour toi l'islam, naam, j'aimerais pour toi le bien, mais tu ne le veux pas. Donc tu ne le veux pas de toi-même, donc il y aura conflit. C'est inévitable. Allah n'agrée pas le kouf, donc moi non plus. Je te le dis clairement, ta mécréance, je ne l'agrée pas. Et ta mécréance est un mal sur terre. Et on a un ennemi déclaré pour tous, c'est Shaitan. Et na Shaitan na kum adou moubin. Il vient faire tahrish entre nous. En plus. Mais à la base, nous on le connaît. Vous ne le connaissez pas. Et nous on sait qu'Allah nous a donné les causes pour le contrer. Vous ne le savez pas. Vous. Bien que parmi nous, la plupart d'entre eux aussi également, le suivent dans beaucoup de choses. Mais à la base, la solution est où ? Dans le Coran et la Sunna. Et ensuite, entre nous, femme salaf saleh. On a le médicament, on a le remède à la maladie. Donc la solution, on a dit c'est quoi ? L'islam. Ou l'istikama. Adahu. Même l'islam, ça empêche plein de problèmes. Il y a plein de problèmes de santé. Il n'y a pas de solution pour le problème de santé. En vendant les ibad et tout, il y a une faillite derrière. Allah, il t'a créé, il sait comment tu fonctionnes. Toutes les choses sont mustahabba. Il y a des raisons, que tu les connaisses ou pas. Et même des fois, sur ta santé, tu le vois. Naam. Ensuite, comme a parlé le Hakim ibn Aban, an Akrima, an ibn Abbas, a parlé li rahmatin khalakahum wa lam yakhlukhum lil azab. Wa kaza qala Mujahid wa Duhak wa Qatadatu. Yarji ma'na hadha al-qawl li qawlihi ta'ala wa ma kharaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Donc il dit toujours, selon Ibn Abbas, qu'il a dit qu'il nous a créé pour la rahma et non pour le châtiment. Comme l'a dit également Mujahid, et Duhak et Qatada, et cela revient à la parole d'Allah dans le sens où il dit je n'ai créé les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'on a été créés, pas pour diverger. Mais la divergence est venue pourquoi ? Pour dissocier le bien du mal et distinguer entre nous et les gens du faux. وقيل بل المراد لرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم قال الناس مخلوقون على أديان شتى إلا من رحم ربك فمن رحم ربك غير مختلف. Donc il dit les gens, الحسن dit que les gens ont été créés justement sur différentes religions. Car c'est une chose qu'Allah il a voulu, sinon ce n'est pas là. Mais ceux qui ont reçu la miséricorde, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Les gens qui ne sont pas en khilaf, justement. Ceux qui sont unis. C'est eux qui ont reçu la miséricorde. Wa qala ibn Wahb, sa'altu Malikan an qawlihi ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk, qala fariq fil janna wa fariq fil sa'ir. Donc il dit j'ai interrogé Malik ibn Wahbin, à propos du verset. Il a dit quoi Malik, rahimahullah ta'ala, un groupe pour le paradis et un groupe pour le feu. Vous voyez, Khilaf, il est aussi là. Il y en a, ils vont aller au paradis, il y en a qui vont aller au feu. Donc, à comprendre du verset, que les gens du faux divergent de la vérité. Et les gens de la vérité sont unis. et que Allah les ait créés, hein, les gens de la vérité, pour qu'ils soient unis justement. Et les gens du faux, pour le contraire. Inta kalamu, et tout ça, c'était la parole d'Ibn Kathir. De Al-Barawi, enfin, que j'ai sauté un passage. Ça, c'est Kalam d'Al-Barawi. Qui lui-même a cité des paroles de Salaf et tout, mais c'est à peu près les mêmes, donc pour ne pas avoir répété. Et à la fin, il a dit quoi? Que le khilaf, il est de rigueur, il est en place, mais que les gens de l'union sont les gens de la vérité, et les gens du désaccord sont les gens du faux. Ensuite, il citait une parole de Aishan Qayti, rahimahullah ta'ala, toujours dans son livre, Def Iham al-Ittirab an Ayat al-Kitab. Qawluhu ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, wa lidhalika khalaqahum. Donc, Aishan Qayti, dans son livre, il dit toujours, par rapport à ce verset, il dit, wa at-tahqiq an al-mushar ilayhi wa ikhtilafuhum ila ash-shaqiyyin was-sa'idin al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa lidhalika al-ikhtilaf khalaqahum fa khalaqa fariqan al-jannati wa fariqan as-sa'ir kama nassa alayhi bi qawlihi ta'ala wa laqad zara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins. L'analyse de ce verset, c'est qu'en effet, dans la volonté de créer, nous sommes en divergence, mais en bienheureux et en malheureux. C'est-à-dire un groupe pour le Jannah et un groupe pour le feu. Comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit, nous avons certes créé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes qui seront voués au feu. Ils seront voués au feu. Et ça, c'est un autre sujet encore, Masalat al-Qadar. Wa al-Irada. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est du destin, l'irada, la kouniya ou shal'iya. Ça, c'est un autre sujet. Wa akhraja le shaykhan fi sahihihima min hadith ibn Mas'ud an al nabi sallallahu alayhi wa sallam qala thumma yab'athullahu ilayka al malak fayumaru bi arba'i kalimat fayaktubu rizqa wa ajala wa amala wa shakiyun am sa'id. Dans le hadith de la création de l'homme dans le monde de sa mère, puis Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange à qui est ordonné quatre choses: d'écrire ta subsistance, ton terme de vie, tes œuvres, heureux ou malheureux. Shakiyun ou sa'idun. Wa fi hadith Aisha raw muslim an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ya Aisha inna Allah khalaqa al-jannata wa khalaqa laha ahlan wa hum fi asla bi abaihim wa khalaqa an-nar wa khalaqa laha ahlan wa hum fi asla bi abaihim. Qu'il dit au Aïcha que Allah a créé le paradis et a créé ces gens alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père. Et qu'il a créé le feu, qu'il a créé ces gens alors qu'ils étaient encore également dans les reins de leur père. Le khilaf entre nous et eux, c'est Jannah wa Nar, Kouf, Iman. Et également, malheureusement, dans les Masalat al-Iman, dans le genre de la foi, il y a aussi des divergences après, internes. Divergences internes. Quoi qu'il en soit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était près dans une janaza, dans un hadith apporté par Ali, il frottait avec un bâton par terre et il disait: il n'est aucun d'entre vous sans que sa place au feu, au paradis, soit déjà prédestinée. Dans son livre. Donc les sahaba, ils ont été surpris de cette parole. Il a dit: mais donc, pourquoi ne pas délaisser les œuvres et nous baser sur le livre? Et il a dit: non, chacun œuvre. D'accord? Que chacun sera facilité pour ce pourquoi il est décrit. Donc fais ce que tu as à faire. Toi à la base, tu ne connais pas c'est quoi ton destin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne le connais pas. Et tu as le libre arbitre. Et on t'a dit: une voie là, une voie là. Choisis et agis. Tu ne peux dire: ouais, le destin c'est bon, moi je fais ce que je veux, de toute façon, ça m'a été prédestiné d'aller là ou là. Dis non, là tu. Est-ce que tu ressens qu'on te force? Est-ce que tu sens que, par exemple, tes pieds, quand tu marches, ils marchent tout seuls? C'est pas toi qui décides. Est-ce que tu sens que tu fais quelque chose, ce n'est pas de toi-même que tu l'as fait? Tu le sens que c'est toi-même. Eh bien, c'est pareil, choisis de toi-même. Charles Samine donne ça comme exemple. Par rapport au Mouchbar. Celui qui marche et qui saute dans un trou, par exemple. Un exemple similaire, il a donné. Un exemple similaire, je ne me rappelle plus exactement. Il sent que lui, il choisit de sauter de lui-même. Celui qui marche, qui tombe. Il sent qu'il n'a pas choisi, il tombe malgré lui. Il n'a pas voulu tomber. Lui, il sent que ce qu'il a fait, ce n'est pas de sa faute. Mais toi là, en sautant, tu as eu le choix. Tu aurais pu t'arrêter, tu aurais pu tourner. Et toi, tu as sauté dans le trou. Tu as choisi de sauter dans le trou. As-tu senti que quelqu'un est venu derrière toi et t'a poussé? Non. As-tu senti que tu as glissé? Non. Tu as senti que tu as réfléchi et tu as agi toi-même? Non. Donc, tu as eu le choix. Tu as fait ton choix. Là, c'est pareil. Donc, ne te cache pas par rapport au destin. Le destin n'est pas une excuse. Mais, Masalat al-Qadar, c'est autre chose. Faut pas avoir à allonger le cours. Donc, ce khilaf qui est entre nous, c'est les gens du haq, les gens du batil. Donc, ne pas dire qu'Allah nous a créés différents et que cette différence doit être acceptée. Comme on l'a dit au début, cette différence amène à énormément de conflits. Et l'islam, justement, est venu avec toutes les causes pour réunir les gens. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'histoire de race. D'accord ? Différence raciale. Il n'y a pas. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la taqwa. On ferme les portes même pour jalouser les autres. Par exemple, combien de gens se sont tués ou ont des conflits par rapport à l'adultère ? L'autre, il tombe avec sa femme. L'autre avec sa femme. Nous, en islam, il n'y a pas de mixité. Les femmes sont couvertes. Tu ne sais pas qui est la femme d'un tel. Tu ne sais pas comment elle est. Tu ne parles pas avec elle à la base. Que des portes fermées pour empêcher justement au conflit. La jalousie est interdite. Et la concurrence est louée dans quoi ? Dans les bonnes œuvres. Pour l'au-delà, pour Allah. Et l'islam appelle à la fraternité. Pas hein, à la divergence. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous à Allah, ne vous divisez pas. Ceux qui sont divisés sont les gens du faux. Mais la vérité n'est qu'une. Donc si tu la suis, tu seras uni avec la personne. Celui qui suit le haq, la vérité, il va s'unir dessus. Ça c'était le premier point. Première chubouette, dis-moi. Deuxième chubouette qu'ils ont, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour le monde. Et pour les hommes. Tous les hommes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Comme Allah Ta'ala. Et nous ne t'avons pas envoyé ce n'est qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Maintenant, que veut dire cette parole-là? Ça revient à l'autre parole. L'autre shubuhat qui était Fabima rahmatin min Allah lin talahum. Que ce n'est que par miséricorde d'Allah que tu es doux envers eux. C'est le même point. Cette miséricorde, quelle est-elle? Donc il dit le shir, cette parole dans son absolu de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde, donc cette miséricorde-là englobe tout le monde. Comme il le voit, cela est faux. Se basant sur le verset cité précédemment. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Shir cita toujours, par rapport au verset, il se base sur les paroles des fassirim. Et le meilleur de tafsir à ce jour, c'est lequel? Celui de Mukathir, rahimahullah ta'ala. Donc il en prend le plus. Donc Ibn Kathir par rapport à ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il a mis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour le monde. C'est-à-dire qu'il l'a envoyé hein, pour tous les gens. Donc celui qui a accepté cette miséricorde et l'a remercié en est reconnaissant ce bienfait sera heureux en ce bas monde et dans l'au-delà. Tandis que celui qui l'a renié et qui la rejette sera perdant dans cette dunya et dans l'au-delà. Comme a dit Ta'ala, أَوَلَمْ تَرَى إِلَّا الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. N'as-tu pas vu ceux qui ont changé, qui ont échangé le bienfait d'Allah par l'ingratitude et qui ont établi leur peuple dans la maison de la perdition? Et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de son Coran, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى وَهُمْ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dit, c'est-à-dire le Coran, qu'il est pour les gens qui ont cru comme une guidée, d'accord, et une guérison. Et que celui et que ceux qui n'ont pas cru, nous avons mis sur leurs oreilles un voile et qui les rend aveugles. Je ne sais pas si je pourrais te dire comme ça. Dans le sens que nous avons bouché leurs oreilles et rendu aveugles. Et ceux-là seront appelés d'un lieu lointain, les gens du faux. L'imam muslim, rahimahullah ta'ala, toujours une kafir qui rapporte cela, dans un hadith de Abi Huraira, قال, radiallahu anhu, قال, قيل يا رسول الله, ادعو على المشركين. قال, إني لم أبحث لعانا, وإنما بعثت رحمة. وفي الحديث الآخر, إنما أنا رحمة مخداد. Donc il dit, dans le hadith il dit, il était dit au message d'Allah, invoque sur les mouchriquins, les polythéistes. Il dit, je n'ai pas été envoyé comme pour maudire les gens. J'étais envoyé comme miséricorde. Et dans un autre hadith, j'étais envoyé comme miséricorde et guidé. Donc attention, ne pas dire que ce hadith, on ne peut invoquer contre les mouchriquins. C'est pas ça. Ce qui veut dire, c'est que lui, son rôle, là, il est venu. Pourquoi ? Allah ne l'a pas envoyé pour invoquer sur les koufars, mais pour les appeler à l'islam. Ensuite, s'il refuse, là, c'est autre chose. Mais des adillés, d'autres adillés sont venus démontrant qu'il est permis d'invoquer pour les koufars. Nour, qu'est-ce qu'il a fait ? Alayhi salam, n'a-t-il pas invoqué contre son peuple ? Après avoir été en leur sein 950 ans, et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils ont été exterminés, le peuple de Nour. Mais qu'a-t-il fait Nour avant ça ? Il a plu son peuple. Ils ont refusé. Demain, un messager ne va pas arriver sans, pour ses messages, invoquer sur les gens. Il les appelle à l'islam. Qu'ils sachent. Et une fois que le message est refusé, là, c'est autre chose. Et ça va être démontré par quoi ? Par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay'in fa saktubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna zakat wa lazina hum bi ayatina yu'minun » Donc il a dit quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que ma miséricorde a englobé toutes choses et je vais l'écrire pour ceux qui ont été pieux et qui donnent la zakat et ceux qui ont cru en nos versets. Donc cette miséricorde va être pour qui ? Pour les croyants. Mais à la base, l'islam est une miséricorde pour tout le monde. Seulement, c'est eux qui la refusent. Allah, il veut ton bien, lui, à la base. C'est toi qui ne le veux pas. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé à tous les hommes pour leur faire parvenir le message. C'est rahma. C'est pour un bien pour toi, à la base. C'est ça qu'il faut dire. Maintenant, une fois que tu l'as refusé, est-ce qu'on va dire que cette rahma va rester sur toi ? Non. C'est le rahma, le mena qiyama, il n'y a plus de rahma, c'est fini, c'est azab. C'est azab, c'est nar khalid fiha. Donc il dit que le rahma a été, ne sera propre qu'aux gens pieux. Wa qawluhu ta'ala, wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma 'anittum, harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Que certes, vous êtes parvenu un messager de vous-même, à qui pèse lourd vos difficultés et plein de miséricorde, plein de sollicitude. Wa qawluhu ta'ala inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, que certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et il y a plein de versets qui se rapportent à ça, que cette rahma à la base est l'islam de façon générale et également elle est propre aux gens pieux. Taïeb, maintenant une chouboîte que les gens ils ont. Ils disent, mais s'il n'y a pas de rahma pour les koufars, pourquoi ont-ils tant de biens ? Pourquoi Allah leur a accordé tant de biens, tant de richesses ? Ça déjà, j'ai fait un audio propre à ça, qui s'appelle « Ne sois pas ébloui par les richesses des mécréants ». Dessus, c'est un audio qui est voué qu'à ce sujet-là. Ne pas croire que comme les mécréants ils ont, ça veut dire qu'Allah les aime. Vous voyez ? Ne pas croire cela. « Faqal, wamma ma yumiddu bihi al-kafirin min al-ni'am » فهذا استدراج لهم قال تعالى فتقطعوا امرهم بينهم زبرا طيب كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في عبراتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نصالحهم لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Donc tout ce qui est accordé justement à ces koufars comme bienfait serait pour les mener graduellement vers le mal, mais ils se sont divisés en sectes. Chaque secte, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il détient. Donc laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons en bien un enfant soit une avance que nous avons pression de leur faire sur leur bien ? Mais au contraire, ils n'en sont pas conscients, ils n'en s'en rendent pas compte. C'est-à-dire au contraire, cela est pour justement les mener vers un mal, sans qu'ils s'en rendent compte. « Wa nazir, qawlihi ta'ala, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun lahum » بل وشر لهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Et que ne pensent pas ceux qui ont mécru que nous leur accordons un délai à leur avantage, mais plutôt nous leur accordons pour qu'ils rajoutent du péché et ils auront un châtiment vilissant. Également parmi les preuves de cela, Qarun aussi, Qarun Qui était-il Qaroun? Un homme richissime. Est-ce que cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait? Au contraire, sa richesse. Pharaon n'était-il pas un homme richissime? Ah non, souvent même les gens les plus riches, hein, sont les plus mauvais. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقوا على الكوب فدمرنا تدميرا. Que si nous voulons par exemple détruire une cité, alors nous lançons sur les gens aisés justement, qui font le façade de cette cité. Ensuite, ils méritent le châtiment et nous la détruisons. Donc justement, cette débauche et ces perversions viennent de qui? Souvent des gens puissants et aisés. Tu te rappelles dans le hadith de Hirak, de Abu Sofyan, lorsqu'il est parti voir Hirak, il a dit qui le suivent le plus? Les gens riches et nobles ou les faibles et les pauvres? Il a dit les faibles et les pauvres. Nous avons également un hadith apporté par l'imam Ahmed sur l'Ibn Mas'ud, radhiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah qasama baynakum akhlaqakum. Que Allah a divisé entre vous vos comportements. Kama qasama baynakum arzakakum. Tout comme il a partage entre vous vos subsistances. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبْ وَمَنْ لَا يُحِبْ. Et que Allah accorde sa dunya à qui il aime et qui ne l'aime pas. وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ. Qui donne la religion que à qui il aime. فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهَ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. Et que celui à qui Allah a donné la religion, c'est qu'il a certes aimé. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي. Que par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'aucun de ses serviteurs ne soit épargné. Tant que son cœur ne sera serein, tant que son cœur et sa langue ne seront pas eux-mêmes sereins. Wala yumen hatta yamen jara bawa'iqa. Et qu'on ne sera pas à l'abri de lui tant qu'il ne mettra pas son voisin à l'abri des bawa'iq. Donc ils lui ont dit wamal bawa'iq ya nabi Allah faqal rashmuhu wa zulmuhu. C'est-à-dire son injustice. Tant que son voisin n'est pas à l'abri de cela. Wala yaksib 'abdun malan min haram fayunfiq minhu fayubarak lahu fi. Et qu'il n'y a aucun serviteur qui ne dépense d'un argent qu'il a acquis de façon haram, il n'en obtiendra aucune baraka. وَلَا تَصَدَّقْ بِهِ فَيُقْبَلْ مِنْهُ. Et également, il n'en fera pas une aumône, elle ne sera pas acceptée de cet argent qui est haram. وَلَا تُرُكُهُ خَلْفَ الظَّهْرِ إِلَيْكَنَا زَادَهُ إِلَى النَّارِ. Sans qu'il ne laisse cet argent derrière lui, sans que cela soit une chose qu'il rajoutera dans le feu. C'est cet argent haram qu'il a pris, en laissant derrière lui, il ne s'en est pas débarrassé, cela va lui rajouter du châtiment dans le feu. Inna Allah la yamhu as-sayyi'a bi-sayyi'i walakin yamhu as-sayyi'a bil-hasan wa inna al-khabitha la yamhu al-khabithu. Al-khabithu. Il dit que Allah n'efface pas le mal par le mal, mais cependant il efface le mal par un bien. Et que le mal, le mauvais, ne vient pas pour également effacer le mauvais. Hadith jamil jiddan. Comme quelqu'un par exemple qui aura à voler, dit je vole, pourquoi? Je fais hadaka pour les pauvres. On dit yahi. Robin des Bois en islam, ça n'existe pas. Donc, c'est pas la peine. Voler, c'est haram. Celui qui vole, on lui coupe la main en islam. Le voleur, on lui coupe la main en islam. Et ta sadaqa, ça n'est pas accepté. Tu fais le mal pour avoir un bien. Ça n'existe pas. Inna Allah tayyibun, wala akbal il est tayyiban. Que Allah est bon, on n'accepte que ce qui est bon. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Tu te fais du mal à toi-même. Non seulement tu as pris le péché d'avoir volé, mais en plus ton argent, il est haram. Donc, la deuxième, les chouboîtes d'aujourd'hui, c'est. La divergence actuelle, c'est la divergence entre les gens du bien et les gens du faux. Et non pas une divergence qui doit être acceptée. Genre plusieurs religions, donc on l'accepte. Plusieurs croyances, on les accepte. Non. وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Et dans le verset, إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Hormis ceux qui Allah fait miséricorde. Qui sont-ils? Les gens du haq. Deuxième chouboite, que Allah a envoyé son messager comme miséricorde pour le monde. Naam, mais cette miséricorde, quelle est-elle? L'islam. Et qu'elle ne recouvrira que les gens croyants, les gens pieux. Les autres, ils auront le feu de l'enfer. Et que ce qu'Allah a donné comme bien aux kuffars, ce n'est pas une preuve d'amour envers eux. Bel yakun istirajan lahum. C'est pour les mener graduellement vers un châtiment. Qu'ils se sentent en confiance, qu'ils s'imaginent qu'ils sont les gens du bien. Et en fait, c'est un makr d'Allah pour le mal qu'ils ont fait. Yamkurun, yamkurullahu wa lawkhir makirin. طيب مفهوم هذا الى هنا والحمد لله رب العالمين مع تحيه دمار افاكم.